Attention. Demanche pirate le 32-16. J'ai peur quand il arrive parce qu'on me dit attention. Arnaud Demanche, bonjour. Ce matin, ce qui fait réagir, c'est ce rapport d'Oxfam sur les inégalités. Le 1% le plus riche de la population mondiale aurait capté 63% des richesses produites. Oui, c'est un chiffre qui fait réagir de nombreux milliardaires au standard. Ah, bien sûr. Qui nous appellent en masse. Vincent Bolloré a réagi. Voilà. Apolline de Malherbe reprend le chiffre cliché et dénonce ainsi les super profits. Vous devez vous réjouir, ainsi que votre copain Charles Magnien, ce bobo wokiste gauchisant. Pas moi. Avec sa dégaine de jongleur de rue et sa sexualité de hippie de Woodstock. Rassurez-vous, monsieur Le Chypre, il y en a pour vous tout à l'heure. Attendez un tout petit peu. Mais à vous deux, là, vous êtes en train de nous créer RMC, Radio Matriarcat et Communisme. Apolline, vous êtes la Sandrine Rousseau de la bande FM. C'est n'importe quoi. Les 1% les plus riches ne captent pas 63% des richesses mondiales. Ils en captent que 50%. Et c'est vrai, ça change. Pénélope Fillon a réagi. On dit que la fisc n'est pas laxiste, mais c'est un cliché. Moi, j'ai dû la payer les impôts sur le revenu pour un travail que je n'ai même pas fait. Et enfin, Marie-Paul est indignée. Si encore les paradis fiscaux, c'était le Groenland ou la Sibérie, bon, et que t'étais obligé de vivre dans une cabane dans la taïga par moins 40 pour défiscaliser, pourquoi pas? Mais non! Les salauds, en plus, ils vont aux Seychelles et aux Bahamas. C'est dégueulasse. Tu vas te bronzer le boulard sous un cocotier et grâce à ça, tu payes moins d'impôts. Bon, il y a quand même des exceptions. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà habité au Luxembourg. C'est un peu moins la fête. Il n'y a que Manu Le Chypre pour aimer aller là-bas et visiter le musée du plan épargne logement que tu fais dedans. Après une balade en tandem avec Pierre Kupferman de BFM Business, chacun avec leur petit casque à vélo plutôt que d'aller sur une plage aux Seychelles. Écoutez, chacun ses goûts. On laissera Manu parler de ce chiffre un peu plus tard. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure, 8h20, Arnaud Demanche.